Bonjour, nous sommes vendredi 19 janvier 2018. Bienvenue à ce rendez-vous du journal dont voici les grandes articulations. Le prix d'un litre de carburant vient d'être revu à la hausse, soit une augmentation de 150 francs burundais le litre. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le ministère de l'Énergie et Mines explique que cette revue à la hausse est due à la variation du taux de change de la monnaie locale par rapport au dollar américain et à la variation du prix de l'essence et du mazout sur le marché international. Le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique rappelle que la campagne de sensibilisation de la population à voter oui ou non à la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum n'a pas encore commencé. C'est au moment où il y a ceux qui avaient déjà commencé à sensibiliser la population à voter oui. L'école primaire du jardin public, EPJP en sigle, située en zone urbaine de Nyakabiga, est menacée d'écroulement. Une partie des latrines de cette école s'est déjà écroulée et les écoliers de la première et sixième année poursuivent les cours à l'école fondamentale Monseigneur Shepherd. À la direction générale de l'urbanisme, l'on précise que les travaux de soutènement des murs de la rivière Nahangwa n'arriveront pas au niveau de cette école. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Eric Adog. À la présentation, Christelle Anizugama, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À la une de ce journal, le prix d'un litre du carburant vient d'être revu à la hausse. Désormais, l'essence et le mazout passent de 2100 à 2250 francs burundais, soit une augmentation de 150 francs burundais le litre. Le pétrole en pain s'achète à 2000 francs burundais. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 19 janvier 2018, le ministère de l'Énergie et Mines explique que cette revue à la hausse est due à la variation du taux de change de la monnaie locale par rapport au dollar américain, comme Manila Kiza justifie également cette augmentation du prix unitaire du litre de carburant, la variation du prix de ces produits sur le marché international. Cette revue à la hausse survient après plus d'une semaine de pénurie du carburant. Le porte-parole du ministère de l'Énergie et Mines avait promis que cette pénurie allait prendre fin d'ici peu. Cette hausse du prix du carburant aura des répercussions négatives sur le prix d'autres marchandises. Selon l'ONG locale Parole et Action pour le Réveil et Changement de Mentalité Parsem, cette ONG trouve que la reconnaissance de la dépréciation de la monnaie burundaise par le gouvernement constitue un pas. Faustin Ndikumana, président de cette organisation, indique que les secteurs qui devraient générer des revenus pour la stabilisation des prix au pays connaissent plusieurs défis. Écoutez Faustin Ndikumana au micro de Charles Makoto. Ça ne me surprend pas parce que pour un bien importé comme le carburant, l'inflation importée à travers la dépréciation monétaire est tout à fait justifiée. Parce que quand un bien est importé, le cours de change de la devise en monnaie locale est très déterminant. Aujourd'hui, on assiste à une dépréciation progressive de la monnaie burundaise qui a alors une répercussion négative au coût du bien importé. Et nous saluons d'abord aussi que le gouvernement puisse au moins évoquer que la dépréciation monétaire est l'une des justifiées d'une augmentation de prix pour le cas présent. Et aussi, nous le constatons, nous avons dit que quand l'arrêté des devises continuera à être comme elle est aujourd'hui, l'inflation importée à partir de cette dépréciation va nous coûter cher. Et le premier d'abord, il y a le café. Le café qui devait générer des devises, maintenant la production a chuté. Il y a les minéraux où la traçabilité reste un défi. La traçabilité des devises découle des ressources des minéraux. Il y a l'exportation traditionnelle, l'exportation classique. Le Burundi, en adhérant à l'East African Community, au lieu d'augmenter les exportations, il a augmenté l'importation. Il y a des études qui ont prouvé ça. Le tourisme, au moment où les autres pays arrivent à stabiliser l'industrie touristique avec des rentrées de plus de 300 millions de dollars au Burundi, on est encore à 4-5 millions. Il sera en 2014. Les investissements directs étrangers, selon les analyses des experts et des différentes institutions, on est à niveau zéro. Les devises de la coopération étaient alors l'une des grandes sources de devises au Burundi. Vous voyez même l'article 13 de la loi actuelle du ministère des Finances publiques. On a dit clairement qu'en cas de déficit, il faut recourir aux fonds extérieurs, mais avec préférence d'abord des dons. Il est difficile que le Burundi puisse accéder à des emprunts sur le marché financier. Ça devient problématique, la conséquence étant directement cette inflation qui risque de se généraliser encore plus. Quelles sont les conséquences? Les conséquences immédiates, justement, c'est cette augmentation des prix. Je parlais de l'Istanbul qui montrait et une inflation de plus de 20%, 24%, dans un contexte d'une inflation déjà exagérée, la donnée de l'augmentation du prix du carburant, c'est une inflation importée qui va rajouter. Politique à présent, le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique rappelle que la campagne de sensibilisation de la population à voter oui ou non à la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum n'a pas encore commencé. Pascal Balandaguier précise que ceux qui voudraient se lancer dans cette campagne doivent attendre le moment opportun qui sera communiqué par la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui est la seule organe habilité pour proclamer le calendrier électoral. Il l'a annoncé dans une déclaration rendue publique ce jeudi suivant. Le gouvernement de la République du Burundi apprécie le déroulement de la campagne d'explication des amendements contenus dans le projet de constitution qui sera soumis au référendum au courant de cette année. Les rapports qui nous parviennent des provinces et des communes font état d'une compréhension progressive des innovations contenues dans le nouveau projet de constitution. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique rappelle que la campagne de sensibilisation de la population à voter pour ou contre n'a pas encore commencé. Elle sera déclarée officiellement par la Commission électorale nationale indépendante qui est l'organe habilité à publier le calendrier électoral. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique saisit cette occasion pour communiquer au public et à ceux qui voudraient se lancer dans cette campagne d'attendre le moment opportun dans le respect de la loi à la matière. Enfin, le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique encourage ceux qui mènent ces campagnes d'explication des amendements de la Constitution de poursuivre cette action patriotique afin que toute la population burundaise en soit au courant et opère un choix libre et démocratique le jour du référendum. C'est au moment où il y avait ceux qui avaient déjà commencé à sensibiliser la population à voter oui, alors que d'autres se lamentaient qu'ils n'ont pas le droit de sensibiliser à voter non. Et dans la suite de ce journal, une retraite des chefs d'État de la communauté est-africaine est prévue les 2 et jusqu'au 22 février de les 2 et 22 février de cette année. Cette retraite réunira aussi les partenaires internationaux au développement autour du thème renforcer et élargir l'intégration régionale par le développement des infrastructures et du secteur de la santé dans les États partenaires de l'ISTA de l'EAC. Ce communiqué sorti par le secrétariat exécutif de la communauté est-africaine indique que cette retraite sera précédée par la 36e réunion du Conseil des ministres des pays membres de l'EAC. Une courte pause. La radio de l'avenir. À 13h06, au studio de la radio Isanganilo, le président de la Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi, Kosibu, se dit être étonné par le fait que le ministre de la fonction publique ait ordonné le prélèvement des contributions sur les salaires des fonctionnaires de l'État. Tarsis Garungo indique que l'imputation de ces contributions pour les élections de 2020 devrait commencer après le dialogue social prévu par l'ordonnance ministérielle portant ces contributions. Le président de la COSIBU se dit également être étonné par le fait que ces contributions sont devenues obligatoires alors qu'elles devraient être volontaires. Tarsis Garungu, il a été joint au téléphone par Evaliste Nzikobanyanga. Oui, effectivement, nous avons vu l'ordonnance qui instruit au service du ministère de la fonction publique de prélever sur les salaires des fonctionnaires un montant pour les élections de 2020. Il nous semble, nous sommes sûrs que nous avions déjà écrit aux deux ministres qui avaient signé sur l'ordonnance portant sur les contributions volontaires aux élections 2020. Et nous leur avions demandé qu'ils organisent un dialogue social sur la question, tel d'ailleurs qu'ils avaient prévu dans leur décret au article 5. Nous attendons toujours que ce dialogue ait lieu, mais nous nous étonnons déjà que, effectivement, il y ait une ordonnance qui demande à ce qu'on prélève ces cotisations. Nous sommes d'avis qu'un dialogue social sur la question est nécessaire. Et nous croyons que ce dialogue aura lieu. Le prescrit de l'ordonnance indique que ces contributions devraient être volontaires. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Oui, j'ai cru comprendre effectivement que ces contributions sont volontaires pour la population. Je crois que les travailleurs, les fonctionnaires font partie de la population. Il y a des montants qui ont été fixés pour eux. Je crois que ces montants devraient être discutés justement avec ces autorités. C'est vrai que les contributions sont nécessaires et je suis sûr que les travailleurs vont contribuer, mais avoir le modus operandi, je crois que la question de volontariat risque d'être un peu oubliée. Éducation à présent, la coalition Éducation pour tous, Fachébig, est aussi préoccupée par le paiement d'une somme de 15 000 francs bout exigée à chaque élève du lycée Notre-Dame de Lohelo par trimestre. Et pour le président de cette coalition, une telle contribution dépassant même le Minerva ne peut pas être perçue parce qu'elle va à l'encontre des faits et des frais reconnus par le ministère de tutelle. Maître Jean Samandali indique que les 15 000 francs bout exigés suscitent des interrogations. Surtout que même la direction de l'école dit que le comité des parents se charge à lui seul de gérer ses fonds. Suivez Maître Samandali Jean, président de la coalition Afashebig, au micro de Francine Ndihokubgayo. Le ministre ayant l'éducation en charge avait fait sortir une ordonnance montrant les frais exigés aux élèves, notamment c'est les frais de scolarité, les Minerva. En dehors de ces frais, il n'y a pas d'autres frais que les écoles doivent percevoir. Nous ne comprenons pas alors d'où vient cet esprit à ce lycée Notre-Dame de Lohelo. Même le directeur a dit qu'il ne sait pas la suite qui est réservée à la gestion de ces frais collectés, ce qui fait que ce n'est pas les frais qu'on doit demander à l'école. Alors, si ce sont les parents qui se sont organisés via le comité des parents, les parents qui n'ont pas bien expliqué aux autres parents comment est-ce que ces fonds seront gérés et comment est-ce qu'ils seront utilisés, tout cela amène des confusions. Et au niveau de l'éducation, tout ce qui peut freiner l'éducation de nos enfants sera prohibé. Quand un élève a travaillé tout un trimestre et qu'à la fin du trimestre, il est bloqué, il n'a pas eu ses résultats, il ne peut pas savoir s'il a bien travaillé ou non, s'il va améliorer ou non. 15 000 francs par trimestre, c'est trop. Même les frais scolaires n'arrivent pas à 15 000 francs bout par trimestre. C'est donc une question que le ministère ayant l'éducation dans ses attributions doit prendre au sérieux dans le plus bref délai pour prendre des mesures suspensives de cette collecte. Page environnement à présent, l'école fondamentale appelée école primaire du jardin public, PJP en sigle, située en zone urbaine de Nyakabiga est menacée d'écroulement due à la rivière Narangwa. Les responsables de cette école ont dû chercher de la place pour les écoliers de la première et sixième année auprès de l'école fondamentale Monseigneur Shepherds, et ce pour 3 semaines seulement. Le directeur de l'école et le responsable de la zone Nyakabiga disent approcher la mairie et pour aider, sachant qu'une partie des latrines de l'EPJP s'est écroulée. À la direction générale de l'urbanisme, l'on précise que même les travaux de soutènement des murs de cette rivière n'arriveront pas au niveau de cette école. Au studio, je suis avec Mireille Kanyang pour les détails. Oui, Christelle, l'école primaire du jardin public, aujourd'hui école fondamentale, est située sur l'avenue de l'imprimerie, près de l'Université du Burundi Campus Mutanga et du village d'enfants SOS, tout près de l'école fondamentale Nyakabiga 3, l'école EPJP, est menacée d'écroulement dans la rivière Narangwa, non loin du pont de la République. Cette école est l'une des constructions menacées du côté de Nyakabiga. De l'autre rive de la Narangwa se trouve Kigowe Sud Extension. L'on remarque également des maisons d'habitation laissées par leurs propriétaires, de peur de se retrouver un jour dans le ravin pour d'autres. Les parties entières de ces maisons sont déjà descendues dans cette rivière traversant la capitale Bujumbura. Et c'est cette peur de voir les écoliers engloutis un jour par cette rivière que les responsables de l'EPJP ont dû chercher une place ailleurs, car n'ayant plus où se soulager étant donné qu'une partie des latrines est déjà sur le point de tomber. Ceux de la première année à la sixième année suivent aujourd'hui leur cours à l'école fondamentale Monseigneur Skeppers, et ceux pour 3 semaines suivent ces cours les après-midi seulement. Ceux du cycle 4 de l'EPJP sont restés à cette école et doivent emprunter les latrines à l'école voisine, l'école fondamentale Nyakabiga 3. Et la direction de l'école et le chef de zone Nyakabiga disent être dépassés par cette question des rives de cette rivière Nahangwa, guettant petit à petit l'école et demandent une intervention urgente du gouvernement. Pour l'instant, ils font recours à la mairie et à d'autres organisations pour aider à aménager d'autres latrines près de l'avenue de l'imprimerie en déant les 3 semaines. Malgré une telle situation, les travaux de soutènement des murs en gabillon du côté de la rue Mukarakara et de Mugoboka effectués aujourd'hui, ces travaux ne concernent pas la partie dans laquelle est située les PJP, annonce faite par la directrice générale de l'urbanisme et fait savoir tout de même qu'il est prévu une table ronde autour du deuxième vice-président de la République pour parler rivière Nahangwa et moyens de canalisation de la dite rivière. Merci Mireille pour toutes ces précisions. Avant de continuer, marquons une courte pause. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Environnement, toujours le ravin de Mimba qui passe à la 2e avenue Musaga au sud de la capitale Bujumbura menace l'école fondamentale qui s'y trouve, de même que certaines maisons d'habitation, le pont et le mur de soutènement qui ont été construits par l'entreprise Sogea Satom sont en train de s'écrouler. Les habitants proches du ravin demandent que cet endroit soit réhabilité pour l'intérêt général, ses enfants, en particulier Léonce Vitaliho. Les écoliers jouent à l'aise à l'école fondamentale de Musaga, 2e avenue. Toutefois, leur établissement est menacé à certains endroits au-dessus du ravin de Mimba. Ceux qui travaillent tout près s'inquiètent. Ça fait peur, très peur. Nous-mêmes, nous craignons de nous renverser dans le ravin. Les enfants peuvent se trouver là. S'ils se mettent à regarder, c'est dangereux. Nous devons les en empêcher. Regardez, si l'un bousculait l'autre, il peut tomber dedans avec le risque de ne pas rester en vie. En aval, près de l'école, le pont s'est écroulé jusqu'à près de 3 mètres de profondeur. Côté toilette de l'école, à la 2e avenue, il n'y a pas 2 mètres qui restent sans qu'elle s'effondre et suivre le mur de soutènement qui est déjà dans le ravin. Il demande que soit construite au moins, dans l'urgence, une clôture qui empêcherait ses enfants de trop jouer, au risque de se retrouver dans le ravin suite à la distraction. Mais surtout, disent-ils, que les autorités concernées arrivent sur le lieu pour constater et agir en conséquence. Les mêmes inquiétudes sont partagées par les enseignants de l'école. Le chef de zone Musaga, quant à lui, n'a pas voulu s'exprimer sur micro. Antoine Lumenieto renseigne qu'il a alerté à maintes reprises. Il dit attendre la réaction des instances supérieures et tous ceux qui pourraient intervenir dans la réhabilitation du ravin. Et il n'y a pas que le ravin de Mimba qui menace la zone Musaga. Antoine Lumenieto parle également de Nyakizu et Nyakivumba, ceux qui s'observent dans le quartier de Kamesa pour ne citer que cela. Il menace des infrastructures publiques, notamment les écoles, les routes et les ponts, sans oublier des maisons d'habitation. Merci Léonce. Agriculture à présent, les agriculteurs de la province de Wulundi doivent utiliser la dolomie afin de neutraliser l'acide du sol et accroître le rendement. Jacques Nimubona du Forum des organisations des producteurs agricoles du Burundi, FOPABO en sigle, l'a expliqué ce jeudi aux agriculteurs et agronomes communaux de Wulundi, l'utilité de la dolomie étant jusque-là inconnue pour certains agriculteurs. Jean-Pierre Misago. Les enquêtes réalisées par le Forum des organisations des producteurs agricoles du Burundi FOPABU et Louis-Diabalini ont montré que les agriculteurs burundais s'attellent plus à l'achat des engrais chimiques qu'à la dolomie, selon ingénieur Jacques Nimubona, employé à la FOPABU. Cependant, pour ce technicien agricole, c'est l'amendement à l'aide de la dolomie qui permet de remédier à l'acidité des sols cultivable du Burundi par son apport du calcium et du magnésium, des éléments nécessaires à la croissance et à la bonne production chez les plantes. Les lagostices et la fougère, des végétaux qui poussent sur un sol acide et qui sont visibles dans toutes les communes de la province de Burundi, sont une preuve que l'acidité des sols est une réalité dans cette province, avec un accent dans les communes de Mugamba et Matana. Et à Jacques Nimona d'appeler aux habitants de Bouri de s'adonner à l'utilisation de la dolomie à côté des engrais chimiques et de la fumure organique auxquels ils étaient déjà habitués pour augmenter la production agricole. Certains agriculteurs qui étaient en formation à Bourris aujourd'hui sur les avantages et les méthodes d'utilisation de la dolomie en agriculture disent qu'ils n'en utilisaient pas et d'autres l'utilisaient d'une mauvaise façon. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Misago. Les prix de certains denrées alimentaires ont baissé sur le marché. À titre d'exemple, le haricot jaune qui coûtait 1600 francs boule au kilo a baissé jusqu'à 1300 francs. Les commerçants du marché de Cotebo expliquent que cette baisse des prix dépend du bas prix de vente. Reportage de Mucho Ornella. Ici, c'est au marché dit Cotebo. Les denrées alimentaires de première nécessité comme les haricots sont en grande quantité et le prix par kilo a diminué, comme l'indique l'un des commerçants rencontrés sur les lieux. Le prix a baissé pour les haricots. Le haricot qui nourrit, qui coûtait à 1400 francs par kilogramme, on peut l'acheter à 1100 francs. Et le jaune, dont le prix variait entre 1000 francs et 1600 francs par kilogramme, on peut l'acheter à 1300 francs. Et la farine de manioc passe de 1800 francs à 1600 francs par kilo. En général, on peut dire que le prix des produits alimentaires a revu à la baisse. Cet autre commerçant indique que les pommes de terre coûtent maintenant 500 francs par kilo et il explique que cela est dû à une abondante production. Les pommes de terre ont baissé de prix d'achat. Le prix de maintenance est de 500 francs par kilo. Et cela est dû à une production abondante, surtout dans la province de Kayanza et Mwaro, en Jenda précisément. On remercie vivement les agriculteurs. S'ils pourraient rester ou doubler cette allure, l'année prochaine, il n'y aura pas de famine dans notre pays. Même si les prix des produits alimentaires ont été revus à la baisse, comme par exemple les haricots, les pommes de la farine de maïs et de manioc, la banane verte reste chère. Merci Ornella. Et avant de clôturer ce journal, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida interdit la vente du lait picot sur le marché burundais. La ministre Josiane Nijimbele dit que cette usine, Lactalis qui fabrique ce produit qui a recommandé l'arrêt de la commercialisation de ce lait partout dans le monde où il est vendu. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde. À la présentation, c'était Christiane Isgama. Au revoir.